Activité 27. 1. Bonjour, c'est Madame Lambert de l'Agence pour l'emploi. Nous avons une offre pour être pompier à Lille. Allez sur notre site internet pour voir l'offre. C'est la seule offre pompier. Au revoir. 2. Oui, c'est Madame Jolie du Collège Vauban. Votre fille est absente de ma classe de français. Pouvez-vous me rappeler, s'il vous plaît ? Merci. 3. Bonjour, c'est Madame Morin de l'Agence pour l'emploi. Il y a des offres pour serveur et une offre pour vendeur. Vous avez rendez-vous pour l'offre vendeur avec moi demain. Merci.